ma tasse poupée, ma tasse, oui ma tasse poupée. Yeah. Ok, alors c'est parti pour une heure de détente en compagnie de Victor et des survivants à 4h du matin. Ouais. Bienvenue aux survivants. Il reste qui après la fin du monde ? Bah, y a moi. Il reste Kawan et Mathias. On reforme un peu les savoureux quand même. On reforme un peu les savoureux. Mais c'est un cycle hein, de toute manière. Donc là, je viens de vous passer Doc Gynéco, Massa Lapa Moi, qui est sorti sur Première Consultation. Un album juste fou, bah, le seul qui est vraiment fou de Doc Gynéco. Et on vient de passer son tube avec Nirvana. Et c'était Massa Lapa Moi qui avait été un peu critiqué à l'époque parce qu'on ne comprenait pas le texte. Et Doc Gynéco, de toute façon, c'est un pauvre malheureux. Donc voilà. Je vous passe des sons un peu plus chill pour après vous monter en grade. Et c'était aussi pour faire une bonne transition avec le sujet d'avant. Alors, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? J'aime bien parce que tu pars d'un truc et après d'un seul coup. Ouais, mais c'est parce qu'on s'en fout en fait là. Alors, c'est vraiment chill. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, moi je suis venu parce que j'avais pas envie de te laisser tout seul. Merci. Moi, merci. Je pense que je vais dormir là en fait. Mais dormez, de toute façon, je vais mettre du son qui va vous bercer. Alors, voilà, je pense que je suis le plus grand fan de rap ici dans cette assemblée. Ah bah là, je suis complètement néophyte de rap. Hein, Mais voilà, c'est pour ça que je ne vais pas faire forcément découvrir les bases, mais je vais vous décrire mon histoire du rap, celle que j'ai connue, les premiers groupes que j'ai connus, qui m'a amené ensuite à ce que j'écoute aujourd'hui, ce que j'ai écouté hier, en passant par d'autres styles que le rap parfois, mais on va se concentrer sur cette belle musique qui est la nouvelle poésie pour moi. Et c'est juste génial. Alors moi, j'ai connu le rap très tard. Je l'ai connu quand j'étais en troisième, quand j'ai acheté mon premier MP3. J'ai connu ça, on était en 2010. Et le premier album, c'était il y a 15 ans. C'était il y a 5 ans. Parce que 15 ans, là, vraiment, ce serait un peu ouf. Oui, moi aussi, j'espère qu'il n'y a personne qui nous écoute en 2025. Là. Salut les gens de 2025. Et le premier album que j'ai écouté, c'est l'école du micro d'argent de IAM. Alors on se souvient tous. Est-ce que t'as un petit sound Ah bah attends, je t'en mets un petit peu, mais pour l'instant je t'explique. J'avais que 3 albums, dont mon MP3 que je m'étais fait voler, je me rappelle. J'avais que 3 albums. Je l'avais payé super cher à l'époque. Et c'était un investissement, c'était mon cadeau d'anniversaire que j'attendais tant. Et j'avais que 3 albums. J'avais un Oxmo Puccino, je ne sais plus lequel. J'avais l'album W de Wu-Tang et j'avais cet album de rap qui est mythique et que tout le monde connaît, c'est l'école du micro d'argent. Alors, l'école du micro d'argent, je t'en mets un petit son, le début d'un petit son. Pour moi, l'un des meilleurs sons de l'album. Très bien. Alors, pendant que la musique est en train d'être envoyée dans le jukebox, je vais un peu meubler, comme on dit. Est-ce qu'on fait un ASMR comme ça ? On essaie de faire un ASMR. Alors c'est parti, on y va. Ça y est. On parle vraiment tout doucement. Alors c'est avec featuring avec Nutty, Daddy Nutty. Et c'est bien sûr avec Akhenaton et Shuriken. Au fond du métro, où personne ne regarde, silence pesant. Voix mec monte, visage menaçant, allez, tombe la veste. On est à Caudel, mais lui supplie, commence à pleurer. Son père lui a offert à Noël, elle change de main. Il a beau dire que ses parents n'ont pas un sou. Au fond, tout le monde s'en fout. Les trois types, les gens autour, gratuitement la lame. Et soudain, l'opinel pénètre 10 cm dans l'abdomen. Ça fait déjà un an, il aurait 16 ans. Son père ne s'en est jamais vraiment remis. Lorsqu'il entre dans sa chambre, rien n'a changé. Les jouets, les livres, cependant, les murs sont tristes. Pourquoi vivre si tu es, c'est facile. On veut tourner le couteau quand tout s'écroule d'un coup au fond de métro. Les gidas, les flics en quête bouffent des sandwichs. Même sourire raconte leur vie, ils parlent même pas de lui. Il a du mal à s'imaginer, jadis son enfant innocent. En une seconde pour 400 francs, mourant dans une flaque de sang, une flaque de pleurs, une vague de peur. La bague du bonheur, fruit de l'amour, fauché par le tranchant d'une dague de malheur. C'était pas l'heure de partir, il ne lui avait pas tout dit. Tant pis, ce sera au paradis. Et des remords, la racine, c'est élève un arbre. Et de l'arbre poussent des fleurs délicates qui viennent caresser le marbre. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. La nuit on assassine et chacun crie à l'aide. Encore une tombe à fleurir, un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle, un cri court, personne n'entend l'appel. Encore une tombe à fleurir, un ange part dans un dernier soupir. Un fait divers dans une ruelle, un cri court, personne n'entend l'appel. Alors c'était un extrait de I Am, un cri court dans la nuit. Une super belle histoire racontée avec une petite berceuse qui est un peu antipathique avec le texte qui a été écrit. Alors voilà, moi cette musique m'avait complètement déboussolé à l'époque. Je pensais pas qu'on pouvait être aussi créatif dans du rap et du coup ça m'a un peu mis, enfin ça m'a un peu forcé, un peu intéressé pour découvrir d'autres sons. Et c'est là où j'ai découvert, comme je disais tout à l'heure, Oxmo Puccino. Oxmo Puccino, pour moi, c'est un peu le grand poète de France. On peut même pas le qualifier de rappeur parce que sa carrière de rappeur, elle a vraiment été terminée quand il s'était lancé avec le label de B2O, tout ça. Et il avait commencé à faire du très, très lourd. Alors, je vous mets un extrait, pas d'album que j'écoutais, mais de l'une de mes préférées d'Oxmo Puccino. Soleil du Nord, Oxmo Puccino, l'arme de paix. Si Paris, il est tard, le bitume reflète les phares au bas du thermostat en bronze à la carte postale. Longtemps, pendant mon jeune âge, je pensais que l'usine faisait les nuages. L'eau potable est-elle cancéreuse? Les nuits d'hôpital deviendraient coûteuses. Ils disent qu'en ville on n'aime pas parler, qu'ils viennent vivre à mille au mètre carré, chacun son cube, y vieillir dans les tentacules de la solitude. Soleil du Nord, soleil du Nord, soleil du Nord. Quand au deuxième semestre le mauvais temps insiste et le clown se défenestre. Encore un jour sans ombre quand l'astre est à son zénith. Ma ville un tissu cousu de périphérique. Le printemps nous transforme en sauvages. Au premier rayon on plonge sans plage. On attend l'été pour s'entasser chez les autres. Ces gens du sud à l'accent chaud, on ne partage pas les mêmes horizons. Pour vivre les vôtres nous cotisons. Je voudrais vous y voir à courir les bidonvilles, rêvant de tour d'ivoire où élever ta fille. Soleil du Nord, soleil du Nord. Famille nombreuse avec un seul salaire, c'est voir la mère à 20 ans, 19 étés de galère. L'hiver dure 3 saisons. 40 ans de crédit, la belle maison. Chaque semaine grossit le jackpot. Les temps durcissent, les copains n'ont plus de clopes. Coincés dans d'horribles jeans, entre l'avenir et nos origines. Au fond ça va dans l'hexagone. On cherche les ficelles, tire sur la corde. On se passe de conseils. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Peut-être dû mieux faire cette transition. Alors, c'est là où j'ai découvert avec ce grand poète qui est Oxmo Puccino qu'on pouvait vraiment mêler la poésie et que le rap, c'est souvent ce que les gens sont fait, ce qu'on font comme cliché, c'est de dire que c'est un truc violent, gangsta. Et quand tu vois qu'il y a des mecs qui te pondent ce genre de texte avec ce genre de musique, c'est peut-être naïf et facile, mais je trouve que ça marche très bien. Je pense que la violence, plus que dans les propos, en tout cas les intentions données dans les propos, je pense que la violence, elle est vraiment profonde, intérieure. Mm. Et c'est ça qui pousse à écrire. C'est pour moi un peu germinal, tu vois. Ouais. Enfin, tu vois, il décrit vraiment une société avec mille façons de le faire. 1000 mots, c'est l'un des rappeurs avec le plus de vocabulaire. Et oui, je viens de faire signe à Victor parce qu'en fait, YouTube lit les trucs automatiquement. Et du coup, j'ai eu peur que ça lance un autre truc derrière. Non, c'est bon, t'inquiète pas, je gère. L'empereur a tout géré. Et voilà, c'est Oxmo Puccino, pour moi, c'est un grand homme. En plus, il est plutôt jeune, il fait volontiers souvent des concerts. C'est quelqu'un qui a fait une chanson de l'UNICEF pour je ne sais plus quelle année. C'est quelqu'un qui a vraiment un talent pour écrire. Alors ça peut être brut parfois puisqu'il utilise des mots assez rudes à entendre. Je me souviens qu'il ait fait un refrain avec le mot catapulte dedans, mais il arrive à mêler son son bien avec la rudesse des mots. Et je trouve ça magique, moi, quand j'écoute ce genre de son. Je me souviens, je l'écoutais quand j'étais en vacances. Moi, je me reconnais totalement dans le morceau quand il parle de ses frères et sœurs. 19 étés de galère pour seulement une année à la mer. Enfin, c'est sympa. Franchement, je trouve ça très bien. Et après avoir écouté ces trois albums, donc W de Wu-Tang, Oxmo Puccino et I Am, je m'étais dit, vas-y, ce serait mieux d'écouter de nouveaux genres. Alors là, je demande à mon frère qui est le plus grand fan absolu de rap, il me dit, tiens, écoute ça. Et je me suis dit, ouais, c'est quoi, c'est un nom trop bizarre et tout, et c'est sûrement de la merde. Parce que j'aimais pas déjà tout le rap à cette époque. Et il me dit, tiens, écoute Al Capote. Alors Al Capote, déjà, rien qu'au nom, tout le monde se fout de sa gueule rien qu'à entendre son nom. Et il me dit, tiens, écoute ça d'Al Capote, je vous mets un petit son. Vous pouvez meubler les autres. Meubler, table, chaise, oreiller. Tu fais un super slam. Je fais un super slam. Est-ce que le slam, c'est aussi du rap ou pas? Bah non, c'est le slam. On peut dire qu'il est une version un peu slamée. Je vous mets chien d'Al Capote. Alors là, ça y est, ça va dépoter. Hein. Je vous le dis, on n'est plus dans ce rap un peu cosy. On va être dans ce rap super bon. Non, c'est moi qui gère le son. Parce que j'y tiens. C'est parti. Néochrome Music. Al Capote feat. Butter Bullet. Si. Je vous mettrai qu'une partie. Si. Butter Bullet. On baisse les plus belles poulettes. Exact. Si. Alka putain de pote. Si. Bande de putain de sale pute. On fait pas de coups. Alka pote, c'est la patate. Fils de putain de bâtard à quatre pattes. Les sales salopes, mettent pas de capote. Du soir au matin, les catins se rabattent. Alka pote. Nique les villes, s'il faut verser de l'élixir. On est viril, décisif, véridique. J'élimine les victimes, c'est fini les films pipes. Nique sa mère, j'aurai jamais le salaire d'un footballeur. Chaînage passe par derrière, je m'en fous de l'odeur. Le diable pour nos sœurs, tu me vois dans tes rêves. Tu veux fumer mon joint ou bien boire dans mes verres. Tout est possible, négocie, garde espoir en réserve. Tu dois croire en tes frères. Ok, je pète des grognacs. Séquestration orchestrée par les deux proxénètes démoniaques. Faudrait verser le cognac pour les croyants. Alors pour ça, je pas désolé, je vais dégonner. Je me dirige vers l'enfer de Satan, Belzébuth, Lucifer, les repères de vipères. J'en ai marre de leur plaire, je repars la refaire à l'envers. Comme si j'avais eu le revolver de Hitler. Nique les sales nazis, ici c'est l'anarchie, je rassasie la famille de Tunis à Paris, très loin du paradis. Des actes de barbarie, ton honneur sera sali et ton nez aplati. Ténébreuse clique, l'armée gothique, les CD se recyclent. Je suis catégorique, kiffe la mélodie, du rap érotique. Les tasses pétoniques font de l'aérobic, c'est anecdotique. Alors mon frère, il me dit, écoute ça. En ce moment, c'est le son lourd qu'il faut écouter à Paris. Je te laisse gérer pour le son en fait, mon frère. Je vais te laisser gérer. En gros, entre ça, c'est pas possible, on peut pas. C'est inaudible, c'est dégueulasse. Si je comprends rien, c'est de la violence gratuite, c'est même pas drôle. Je vois pas pourquoi un gros mot comme ça qui est droppé dans un texte, ça ne sert à rien et tout. Il fait si, tu vas comprendre, mais d'abord, t'es trop petit, t'as que 15 ans, vas-y, écoute. Écoute d'abord un son qui est plus. Écouté par le monde populaire, et là il me dit, tiens, vas-y, écoute juste ce son, tu connais forcément cet artiste. Il me drop le nom de Booba. Je fais, non mais t'es super con, je vais jamais écouter ça. Et du coup il me dit, tiens, écoute Garde la Pêche. Garde la Pêche. Les MC sont fauchés, prisonniers dans leur rôle. Les gros cherchent pas à savoir combien je pèse en euros. Personne, je ne vénère, le bédocal me m'énerve. Les rappeurs ont le cul cercé depuis que j'exerce. On a percé tout seul, moi et mes partenaires. Leur français a trouvé son flow par terre. Nos chicots, et le parquet. Montage rançon hélicoptère, c'est du calcaire dans les artères. Un cœur de pierre, tu peux pas stopper la musique. C'est elle qui m'a écarté de l'élysée 9 de Hiroshima. Je suis un sérum de vérité, les menteurs m'empoisonnent. Je suis armé, alcoolisé, fusil à pompe, marionnette. Viens dans mes pompes, malhonnête. L'état, si j'ai péto, je suis une ghetto, marionnette. La street, mon baromètre, les chaos, t'es mort, mec. N'essaie pas de classer, tu ne vas pas t'en remettre. Tu veux frimer, tu veux taise, garde la paix. Depuis le crime pèse, zéro défait, garde la paix. Je veux que tu viennes rapper gratos, garde la paix. Si c'est l'eau, sera la mose, garde la paix. Le destin fait la loi, sélection naturelle. Ma mère, c'est mon père, je suis number one pour elle. L'argent, le pouvoir, c'est le nerf de la guerre. Je veux la faire, la gagner, prends la chair de ma chair. Je ne veux pas commenter, au père, la chaise. Dorée est le trône, électrique et la chaise. Gorée, c'est ma terre, l'égalité, c'est ma lutte. Je combats contre moi-même, je perds, c'est ma chute. Si t'es sérieuse, t'es ma meuf, sinon t'es ma pute. Périlleuse, la street, alors mon frère, il vient me voir. Et genre, je dis non, c'est pas possible, je suis pas encore prêt pour ces conneries. Ça sert à rien, Simon, tu... Oui, mon frère s'appelle Simon, et il me dit non, c'est pas possible, vas-y. Je lui dis c'est pas possible, juste tu me fais écouter du bouage. Je lui dis allez casse-toi, normal, comme tout être rationnel frais dans ce monde, je pense, quand t'écoutes ça, tu ne peux pas kiffer au premier abord, au premier regard comme ça. Alors là je me tourne vers un autre rap à ce moment-là, je me dis peut-être qu'il faudrait quand même continuer à chercher d'autres formes de rap puisque ça m'a plu. Et là je tombe sur un truc qu'un pote me fait écouter. Et là je me dis non c'est pas possible, c'est juste génial. Je vous laisse écouter quelques minutes de Cunilinguiste Alpha Animal. Là ça devient le bordel dans ma tête, je me dis mais non mais c'est pas possible, il y a un groupe qui fait ça et là je me dis vas-y faut trop que je m'intéresse à toute forme de rap. Alors je me tourne vers les plus classiques, je me dis vas-y on va essayer de retracer un peu cette histoire du rap et là je me fais une deuxième fois l'histoire du rap, je commence à me tourner d'abord vers les premiers raps et là je me tourne vers De La Soul, je vois que c'est super cool et tout ça, c'était pas encore le début. Mais je sentais que ça venait de commencer, ce rap un peu hippie, un peu cool, tout ça, avec des chemises à fleurs. Et là, je commençais à écouter ça. Je me dis, ouais, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la guerre entre l'Ouest et l'Est. Et du coup, je commençais à écouter de partout, du Tupac, du Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. Qui est un grand artiste, mais qui ne rivalisera jamais, de toute façon, avec Tupac Shakur. Tupac Shakur qui avait cette espèce de flow magique dégueulasse. totalement inné, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est abusé qu'un mec ait comme ça un flow. Il a interprété selon sa musique. Et je retrouve vraiment beaucoup de funk dans sa manière d'interpréter les sons. Il a un mouvement. Vous savez, le gestuel qu'ont ces rappeurs, bah ça vient d'un peu là. Ça vient d'un peu ce funk où on se... cette soul où on se démembrait un peu partout, bah ça vient de là. Et du coup, je commençais à écouter du rap dans n'importe quel sens. C'était du son dans tous les sens, du sens dans tous les sons. Je viens de faire la meilleure réplique de cette heure-ci. Oui, c'est ce que. Bah, en même temps, t'es tout seul à parler, donc on veut pas trop du rivaliser coup, sur les répliques. Et donc voilà, je commence à tomber là-dedans. Et du coup, je tombe amoureux d'un son qui s'appelle Juicy. Et ça, c'est Notorious B.I.G. qui l'a fait. Yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. Sensuel. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. So good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Yeah. It's all good, baby, baby. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? Da-ha, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world's trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Raw G, Brucey B, Kid Capri. Funk, Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. I made the change from a common thief to up close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke stuff with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me, now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me close like butter play toast. From the Mississippi down to the East Coast. Condos in Queens, in dough for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting 5 carrots in my baby girl ear. Alors on est en 94 quand sort ce son. C'est une année avant que je naisse, donc j'étais vraiment bien en retard dans mon temps et il fallait que je rattrape tout ça très vite. Et du coup, j'ai commencé un peu là à brûler les étapes. J'ai pas vraiment beaucoup écouté cette période qui est de 95 à 97, une sorte de guerre East Coast entre la West Coast. Alors pour simplifier, c'était juste une mésaventure entre Tupac Shakur et Notorious B.I.G. qui étaient les deux boss de chaque côté. Et en gros, il y a eu une petite merde qui a eu un petit compte à régler entre les deux et ça a commencé à faire deux camps distincts et c'était vraiment trop marrant à l'époque. Genre quand vous regardez des docus sur ça, c'est trop marrant de se dire que toute une communauté s'est rattachée derrière un artiste parce qu'il faisait partie de sa ville et dans les journaux, tout ça avec le hit parade. Et ben on voyait que ça, toutes les semaines, ça changeait entre un East Coast et un West Coast. Alors il y avait Tupac de la West avec tout ce qui est. Il y a quoi? Il y a Ice Cube, Snoop Dogg, Dre, les plus connus, Eminem aussi. Et de l'autre, c'était P. Diddy, Wu-Tang, De La Soul. C'était pas vraiment une guerre parce que ça. En fait, finalement, c'était que deux personnes. Mais c'était marrant d'entrer dans ce trip un peu de dire waouh, le rap ça y est, ça prend de l'ampleur et en plus c'est dans les médias et c'est une vraie guerre et les gens voulaient vraiment se dire que c'était ouf le rap et c'est là qu'est né un peu le rap gangsta. Alors il y a un truc qu'on sait pas, c'est qu'il n'y a pas eu qu'un West et qu'un Est. Il y a aussi le Dirty South. Le Dirty South, c'est le rap du Sud. Le rap du Sud qui avait à la même époque mais qui s'est pas fait remarquer parce qu'il y avait ce truc là qui était médiatisé, c'est la guerre. la guerre, c'est n'importe quoi. Et genre, tout le monde s'est mis à écouter le rap dans tous les sens, mais on n'a pas cherché à regarder ce qu'il y avait derrière, ce qu'il y avait en dessous. Et je vais vous mettre maintenant un rap du Texas, un rap qui déchire tout. C'est l'un de mes groupes préférés. C'est UGK, Underground Kings. C'est un rap avec Pimp C et Bun B. Alors je vous expliquerai qui sont ces deux personnes après ce petit son. Trash like the fuck with $40 in the club. Fucking up the game, bitch, it gets no love. She be cross country giving all that she got. $1,000 a pop, I'm pulling Bentleys off the lot. I smashed up the gray one, bought me a red. Every time we hit the parking lot, we turn head. Some hoes wanna choose, but them bitches too scary. If your bitch chose me, you ain't a pimp, you a fairy. Time to get down with the team. The grass is greener on that other side. If you know what I mean, I'll show you shit you've never seen. The seven wonders of the world. And I can make you the eighth if you wanna be my girl. When I say my girl, I don't mean my woman. That ain't my style. Need a real street stalker. Walk a green mile. We piling up the paper on the dining room table. Cause you able to realize I'm the truth and not a fable. Baby, we rockin' Russian sable. Keep that chiller on the rack. What I look like with some $1,000 shit up on my back. I'm a $1 million Mac, they need $1 billion bitch. Put my pimpin' in your life, watch your daddy get rich. Easy as ABC, simple as 1, 2, 3. Get down with UGK, Pimp C, B-U, with B. Cause what's a hoe with no pimp, and what's a pimp with no hoes? Don't be a lame, you know the game and how it goes. We try to get chose. Yes, c'est ça. Alors, Underground Kings. Alors, avec Pimp C et Bun B. Pimp C, c'est un peu la légende qu'il y a aujourd'hui. Les rappeurs de nos jours comme ASAP Rocky, pour le dieu vivant de ces rappeurs nouveaux de notre époque, c'est un peu Pimp C. Pimp C qui est mort parce qu'il avait fait une overdose ou je sais plus quoi. Mais en gros, il avait un flow très texan, très cowboy. Et dans le rap, ça se matérialisait d'une façon très particulière et ça rend très très bien. Et après avoir écouté cet album de folie, peut-être pendant un mois, il n'y avait que ça sur mon portable. Et j'ai commencé à écouter du rap un peu plus gangsta. Et c'est là où j'en suis arrivé très vite à... Bah, UGK, ça rime avec 3-6 Mafia, de toute façon, hein, c'est les mêmes gars, c'est le même endroit. Alors on a l'un des plus gros titres de 3-6 Mafia, c'est Stay Fly. Un clip juste sensationnel qui met dans une ambiance de ouf. Stay fly. Yeah. squad with some bumping in the trunk. Let me laugh and you know it's breaking down the good. Et du coup là je commence à écouter vraiment n'importe quoi et j'arrive sur un rappeur qui est la légende aux États-Unis en ce moment mais personne le connaît. Il est juste en prison et ça fait, je ne sais, ça fait 2 ans qu'il est en prison, il a déjà sorti 11 albums. Ça fait 2 ans, il est complètement taré, c'est une légende vivante, il a joué dans Spring Breaker, c'est Gucci Mane bien sûr qui sort des titres à la pelle tout le temps. Il est trop chiant, il sort toujours les mêmes sons. Mais tout le monde l'adule parce que c'est un peu le mec qui est jamais en manque d'inspiration. Et moi, je pense que parmi toutes ces merdes qui sort, en fait, à chaque fois, il y a une bonne idée. Et ça regroupe ces ambiances bizarres à chaque fois de ces albums, ces mixtapes qui sont toutes gratuites. Alors j'en parlerai après des musiques gratuites. Mais d'abord, je vous mets un petit extrait de Lemonade, l'un des sons qu'il a fait le plus connu. Yes. Alors c'est très gangsta, mais pas trop. C'est le problème avec Gucci, mais on sait pas. N'importe quoi. It's more than I can, because it is a lemma. My wife don't judge your peaches, but you look more like a lemma. Bon, ça va pas changer pendant toute la musique, du coup, je pense qu'on peut rater cet extrait. C'est très marrant à écouter à fond dans sa voiture. C'est vraiment marrant, Gucci Mane. C'est un truc à écouter entre potes. C'est un peu un. C'est mon blockbuster à moi. C'est du divertissement. C'est pas très intelligent. Il y a un délire à choper. C'est un peu bizarre, mais une fois qu'on l'a, franchement, on passe du très bon temps parce que c'est juste super bien fait. Et quand on rentre dans cette espèce de parodie. Je sais même pas ce que je suis en train de parler. Le jour où je comprendrai sa musique, peut-être qu'un jour je reviendrai pour La Nuit Anonyme. Là, on va écouter quelque chose de peut-être plus intéressant. Et c'est avec ces sons-là que je suis revenu en France. Oui, parce que je suis vraiment aux États-Unis en fait. Non, je suis revenu du côté français parce que j'en avais un peu ras-le-bol de rien comprendre aux chansons. Et du coup, je suis passé du côté français. Je me suis dit, putain, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas l'équivalent de rappeurs français qui citent ces gens que personne ne cite. Quand on écoute du Youssoupha, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Les inspirations, c'est toujours les mêmes de tous les rappeurs. Et quand tu regardes du côté de Paris, tu te rends compte qu'en fait, que les rappeurs que ton frère t'avait proposé, et ben en fait finalement ils reprennent directement leur inspiration de ces personnes et ça rend un rap que vous n'avez jamais écouté, peut-être inaudible comme ça à la première écoute, mais c'est très en avance sur son temps. Alors je vous mets Hugo de Butter Bullet qui est pour moi le meilleur rappeur français du moment. C'est juste un ouf, il est vendeur de montres et il déchire. C'est pour moi du rap gangsta référencé. Non, c'est même pas du Gabriel. C'est tout doux comme son. On peut le sentir maintenant. Là, je vous laisse tranquille. Faire du fric comme section d'assaut, voler des thunes aux gosses. Si je dois retourner ma veste, je le ferai un peu comme Hugo Boss. Comme section d'assaut, voler des thunes aux gosses. Ouais, je le ferai un peu comme Hugo Boss. Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Boss. Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo. Go, boss, boss. Petit meurtre entre amis, ça sent la tyrannie. Tu remplis ton caddie avec la merde qu'on produit. Grosse griffe sur du Verdi, du Gucci, du Vivaldi. Vivaldi, Vivaldi, Vivaldi, Vivaldi. Marni ou Versace, tout en noir comme mercredi. Tu vois rouge comme ton vernis. Je te pèse comme c'est pas permis. la police. J'suis comme Denis la malice. On te vend notre merde bien fournie. C'est comme ça qu'on survit. Elle est pure comme de l'eau de vie. Oh oui, pas comme la chatte à ta mamie. Je veux faire du fric comme section d'assaut, voler des thunes aux gosses. Si je dois retourner ma veste, je le ferai un peu comme Hugo Boss. Comme section d'assaut, voler des thunes aux gosses. Ouais, je le ferai un peu comme Hugo Boss. Alors c'était Butter Bullet. C'est génial, c'est juste qu'il faut l'écouter 40 fois avant d'aimer la musique, c'est normal. C'est normal que vos oreilles soient en train de mourir, c'est normal. Alors, Butter Bullet, il s'inspire essentiellement de rap US, puisque toutes ses références sont un peu US, mais ça se voit, puisqu'il y a au moins à chaque fois dans une de ses chansons une réplique de Booba, d'une des musiques de Booba. C'est un grand fan de Booba, et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est ouf ça quand même. Comment ça se fait que personne ne cite Booba ? Alors je regarde sur le net tout ça, et au contraire, en fait, je me dis. Et là, je vois en fait que tout le monde est fan de Booba dans les artistes français, enfin du moins dans ceux que j'appelle les bons rappeurs. Je voyais une interview d'Oxmo Puccino, le Soleil du Nord, le gars de tout à l'heure qui avait fait un son très chill. Et bien, il disait, putain, mais les gars, on est en 2015 et tout le monde écoute du Booba. Genre, c'est la référence de tout le monde parce que c'est bien, parce qu'il propose des choses nouvelles. Et sa réflexion, c'était, mais putain, mais les gars, mais qui n'écoute pas Booba ? Et il fait, c'est un type qui est toujours sur mes prods à moi et qui est toujours là. Même s'il paraît d'être un businessman comme ça, ça vaut le coup d'essayer de le réécouter et d'essayer de découvrir et un peu d'essayer de capter son délire. Voilà, je ne vais pas vous remettre de Booba parce que j'en ai trop écouté. Et maintenant, je vous mets, comme je vous disais, qu'il y avait d'autres choses à Paris, qu'il y avait d'autres choses en France que du Youssoupha ou du Maître Putain de Gims. Bah, il y a aussi quelque chose qui s'appelle PNL. Alors PNL, c'est juste un groupe qui a été lancé, je pense, en 2011, c'est deux gars. Et ils sont adeptes d'un nouveau rap qui est très récent, ça s'appelle le cloud rap, donc le rap nuageux. Et c'est la première fois que des Français faisaient ça. Et je vous laisse écouter. L'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à bombage, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall j'ai vu Yankee voter blanc. Onga, onga, onga, ouais. Mon gars, j'sers. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de balifère. J'veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour oh mais oh. Non mais allô, non mais allô. Je laisse trace pour trans au WC. En LV totalement pété. Je rentre coke dans les poches. Quand petit frère pas à l'école. J'suis dans ma pull, pull, pull. Oh shit, le shit, le shit, le shit. Pull, sans sur le pull. Oh là là, oh là là, dégage ton boule. Dégage ton boule, boule. Oh shit, ton mal, mon bien. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Pour les miens. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. C'était PNL. C'est du rap très chill. Le délire est un peu plus facile à capter, je dirais, puisque c'est une musique qu'on pourrait croire facile, mais pas du tout. C'est des gens qui ont beaucoup de créativité, rien que leur clip qui a été tourné à Gomorre. Alors Gomorre, c'est la cité des mafieux en Italie, et c'est un très beau clip avec une, enfin moi je trouve ça très bien comme clip, je trouve que c'est l'un de mes clips préférés de 2015. Ouais, ça peut choquer des personnes quand je dis ça, mais c'est tout, bon, bah les couilles. Et plein de références, là, c'était Biggie, c'était la couronne de Biggie qui était en sang, enfin c'était bref. Alors j'ai oublié de vous en parler de plein, hein, parce que j'en ai zappé, hein, des rappeurs qui m'ont un peu ouvert l'esprit. Je pense à Pusha T, Chief Keef, Fassa Proki, ASAP Ferg, ASAP Rock aussi. J'en ai écouté plein. J'ai écouté Hermios de Pharaos avant, tout ça. Mais là, je préfère consacrer les dernières 10 minutes à deux artistes que j'aime beaucoup. Et après, je vous laisserai me faire découvrir du rap si vous avez des choses à dire, puisque je monopolise complètement ce micro vert ce soir. Alors, je vous montre un petit son que j'ai découvert en 2012. C'est un son de Young Lin. Young Lin, qui est un jeune rappeur suédois. Il a à peine 20 ans. Et le type te fait des sons avec d'une qualité. Je ne sais pas comment ils font. À mon avis, ils achètent du meilleur matos son que nous. Enfin bref, je vous laisse écouter Kyoto de Young Lin. Du rap dans les nuages ou du cloud rap, je trouve ça juste génial, bonne idée. Et du coup, c'est un peu ma cam ça en ce moment. Et surtout quand tu découvres quelqu'un que tu trouves juste sensationnel et qui se permet du haut de ses 19 ans de faire 19 albums juste totalement ouf les uns autant que les autres. Et surtout quand tu te dis que ce mec-là, eh ben, il t'a tout sorti ça gratuitement. Alors je vous mets du son de Bones. C'est bien de Bones hein, que je suis en train de parler. Bones, c'est un peu un gros... C'est une nouvelle forme de hipsterisme. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. C'est que des bonnes idées, tout en étant du bon goût, mais tout en étant sale. Alors je vous mets Bones... Turn Back Now, un son nuageux, et après je vous parlerai plus en détail de ce personnage puisque je mettrai une dernière musique avec lui après. Mais pour l'instant, Turns Back Now, sorti en 2015. Peut monter ce son. Sa propre forme de musique qui ne dure pas plus de 2 minutes. C'est des albums très chill, des super albums à écouter. Ça te coûte que 38 minutes pour l'écouter, c'est rien du tout, c'est juste absurde. Et surtout que tu sais que tu peux le consommer pendant quelques temps, son album, puisque peut-être qui sait, peut-être que quand il aura sorti son album, 2 semaines plus tard, il y en aura un nouveau que tu pourras réécouter. C'est bien sûr à consommer de toute urgence. Et pour terminer ce petit rap sign, je vous mets le son qui m'a le plus emporté de lui, et après je vous laisserai parler. Excellent rappeur que vous entendrez beaucoup parler à un moment donné. Vous en faites pas pour ça, il est là depuis pas très longtemps, il va arriver.

drank, faded, drank, faded, drank, drank. Alright, you ride, bang. One chopper, 100 shots, bang. Hop out, do you bang? Two chopper, 200 shots, bang. Alright, you ride, bang. One chopper, 100 shots, bang. Hop out. Why you babysitting? Only two or three shots. I'ma show you how to turn it up a notch. First you get a swimming pool full of liquor, then you dive in it. Pool full of liquor, then you dive in it. I wave a few bottles, then I watch them all fly. All the girls wanna play, they watch. I got a swimming pool full of liquor and they dive in it. Pool full of liquor, I'ma dive. C'est comme ça que se termine cette heure musicale Raps Time. Alors je suis dégoûté parce que j'aurais vraiment aimé parler plus de son, mais ça m'a pas revenu. Il y a plein d'autres trucs que j'avais oublié de parler. Je voulais parler de French Montana qui est juste génial. Je voulais montrer les futurs que j'aime beaucoup. Je voulais montrer Scoobok Q, que tout le monde connaît. Je voulais montrer aussi des petits rappeurs comme ça qui sont en train de progresser. Il y a des Denzel Curry que j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs qui se passent en ce moment au niveau du rap. C'est jamais une musique qui est à l'arrêt. Il y a toujours de l'évolution sans arrêt. C'est super dur à suivre. Et surtout quand on en découvre un et qu'on découvre qu'il a fait beaucoup, beaucoup de mixtapes, c'est super dur. Les sites que je vous recommande pour écouter, pour télécharger légalement des albums, je vous conseille Gangsta Rap Talk ou Datpif qui est juste génial, c'est trop bien. Et voilà, peut-être que je vais mettre un dernier son. Je pense que tout le monde est un peu dans l'ambiance. Et je dis un dernier son, ça fait 4 musiques, je dis ça. Ouais, c'est ça. Les gens doivent en avoir marre d'écouter ce genre de musique. Je sais qu'on m'aime. Mais j'ai ma petite idée, je vais mettre un petit featuring de French Montana que j'aime beaucoup. C'est ça vient de Coxboy 2. Et c'est pareil, c'est une mixtape qu'il avait sorti, qu'il est sorti en 2012, je pense. Oui, c'est ça, en 2012, il avait sorti en 2012 sa mixtape gratuite. C'était Coxboy 2, c'était l'une de ses premières mixtapes où il n'était pas trop encore connu, où il n'avait pas fait de putain de merde de featuring avec avec la crime. Putain, mais c'était quoi ce déchet, putain, c'est pas possible. Enfin bref. Je vous mets Uptown de French Montana avec quelqu'un que vous connaisserez. Essayez-moi de deviner la musique d'ailleurs. J'aimerais bien savoir si vous reconnaissez. Amen. Hitting licks up in the game. Them niggas on the other side was trying to get a name. They say every hood the same, but I beg to differ. New coupe, big slippers, nigga, check the wheels. Coke boys, major deal signs. Nigga, stop that crying. Tell your bitch a new hoe, knocking out her lines. Get into that money, cause I work hard. Jail left my worst scar. Stacks die, getting over that was my worst job. Panoramic view, see the stars through the ceiling. Your boat sinks when you let a fuck nigga steer it. Sliding on these niggas like that water pump. See that time is money like that Audemars. They love me out where I'm from. Pull, you ain't got none. Model bitches with me rolling swishy ride shotgun. I do it big for my hometown. They put it in, but I put it down. Thank you. fresher than the new bum. Drinking on the brand water, shorty on Nuvo. See me in that Tudo, ripping off the rack. High on Pluto, told him I'd be back. Another bag sweet, town where I eat. I dog him, head of the flock, then the fleet. Et sinon de casser ton délire pendant ton... C'est juste qu'on parlait rap, il est 5h du matin, est-ce que tu peux mettre 5 o'clock in the morning ou pas? 5 o'clock in the morning, le T-Pain. 5 o'clock, 5h du matin, en anglais, le T-Pain. Bah ouais, bah vu du coup qu'il est 5h, autant mettre une musique appropriée à la situation. It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. And I thought I'd just wait there. It's 5 o'clock in the morning, and I want ya, and you want me, don't ya? I can see it, cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club. Voilà, je suis content, j'ai trouvé une musique d'actualité. De rien, je crois que ton micro n'est pas allumé, Victor. N'est pas allumé, oui. Ah bah voilà. Ça fait depuis combien de temps? Depuis le début en fait. Non, depuis pas longtemps, je crois que tu l'as coupé tout seul. Ok, d'accord, très bien. Ah yes, depuis le début je ne parle pour rien parce que personne m'entend. C'est pour ça qu'on t'insulte sur le chat. On m'insulte sur le chat, non. C'est pas vrai. Arrête, tu m'as fait vraiment peur. Non, bah si on commence à aller vers des sons comme ça... Bah je sais pas si on continue ou pas. Bah je sais pas. Kawan, est-ce qu'on continue le programme ou... Moi je suis bien chaud pour faire autre chose, hein. Mais je suis bien chaud pour continuer aussi. Non, on va pas continuer le rap. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui, je t'entends. Pardon, je m'entends pas, c'est comme ça. Je vais te laisser ta place.